sur le loco pont d'enfoiré. Guyver hype man à la prod. Bah ouais, check ça, hein. J'ai du thé, mes rêves à la corbeille. Essuyé trop de désastres, les ténèbres n'ont rien à m'apporter. Pour briller comme les astres, pas le temps de papoter. J'braille mes crocs des armes, j'viens pas d'à côté. J'ai poussé nulle part, telle une rose des sables, gros. J'tiens le bras de fer, j'nique la prod, ok, j'veux pas me taire. Et j'garderai la tête haute, même si tes potes ont guette de travers. Perdu dans ce tournoi, grave sournois. Tous mes semblables se ruent, chacun pour soi. J'sais pas vraiment pourquoi tous ces gens se marchent dessus. J'ai fait ma petite visite de cet endroit, trop évité de s'y rendre. J'vais pas moi dire ici, ce n'est pas moi ce mec qui reste distant. L'avenir est illisible. Là faut que je prenne vite mes distances. Que m'apporte l'illicite à part ce tas de problèmes inexistants, hein. En vrai je bute l'instant en stressant. Pris par tant de fausses illusions, j'oublie ce putain d'instant présent. Esclave du temps, là j'essaie de rester calme. Délaissé mais pas du genre à laisser traîner le bail. Je reste vif, en vrai je vis le temps que j'ai avant de le perdre. Faudrait vite se ranger, envie de changer, mais pas le temps de le faire, rien que j'ai le seum. La rue plus la gère, trop perdu, je fais de la teuf. J'étais seul, perçu à des clairs, mais t'es plus vert ailleurs. J'ai misé le gros lot, mais c'est pas bien de vriller quand je perds. À quoi bon viser trop haut, ça ne sert à rien de tirer dans le ciel. Je ressens comme une douleur abdominale, positif même quand l'avenir annonce une couleur abominable. Faudrait que la poisse que je ramasse part de la vie. Je rêve du jour où je passerai la bague au doigt de la femme de ma vie. Je t'en ai trop dit. Qu'est-ce t'as fait de ce rap? Tes gars ne font que danser. Lâche ce chromi, laisse-nous faire le taf. Viens là qu'on te l'enseigne. Je suis pas du genre à perdre le cap. Les faces sont lancées. Je l'ai promis. Plus jamais rien n'affectera ma façon de penser. Rentrer comme des gros carnassiers. À défaut de clé, je m'acharne à faire bête. On les porte cadenassés. Pas de mal à me placer. Je veux pas que tes fonds blar m'accèdent. Guette ce regard glacé. Reste bien à l'écart de massé. Hein? Le mal me rend visite, j'ai pas de remède. T'as dû rester tard si tu pensais que je finirais par me taire. Loin de l'air du temps, mais en freestyle t'as pris peur à skip. C'est la rime, percutante, kit, casse tes petites punch. Pas l'air rien de faire du vent, j'écris le soir, je médite. Seule une chose est sûre, je vais pas perdre mon temps à bicraft des petits meufs. Lance la prod, je vais les carteler, je lâche des sacs de rime. Ramène tous tes partenaires, au chromi, je casse tes barres de rire. La nuit c'est pour briller, on se fracasse à l'alcool. Mais il sera trop tard pour prier si le chétan ne frappe pas la porte. Même si tu me cales à pas t'approche. Non, je suis jamais dans le standard. T'es pas la frappe, la prod et plein de ton cusage est dans le standard. Pour les refs, je lève mon flagage à la vodka russe. Faut que le béton, faudrait qu'on se nage à la Côte d'Azur. En mauvaise posture, les drames se confondent. Alors dans ma tête, je vis des ordures et je répare ce bon fond. Parfois, au fond de nous, c'est trop dur, mais ce n'est pas ce que l'on montre. Seul avec mon esprit torturé, je suis l'esclave de mon ombre, hein. T'es dit que l'eau de la rose et ne résout pas l'averse. Persuadé que l'épinat des roses et surtout pas l'inverse. Des trésors j'en ai trouvé mais y'a jamais beaucoup de cristaux verts. Le but c'est de toucher le ciel avant que les vautours brisent nos rêves. Je voudrais partir loin d'ici, me sauver de ce troll de monde. Y'a que le bout de mon chemin qui brille, faudrait que je sorte de l'ombre. Bande d'enfoirés, solo loco, bande d'enfoirés. Guyver hype man à la prod.